Ok. Depuis le départ, on m'a dit, il faut taffer, faire des thunes, ou alors savoir ce que tu veux sans lâcher les études. Alors sans trop de peine, je finis l'école obligatoire, mais après que faire? La vie, je l'adore quand je l'observe, virée du collège, c'est l'école de com par défaut. J'ai peu d'affaires en cours, j'ai la cote de l'homme, assez drôle. Le ras-le-bol des profs, ils interdisaient alcool et drogue. Je faisais rien de mal, moi j'écrivais l'album. Les codes de la société me touchent peu. L'école me donnait donc peu l'impression d'être où je veux. Je voulais tout plaquer, j'en ai raté des heures pour gratter mes feuilles. Pourquoi s'emmerder 3 ans pour un bout de papier? Je faisais tâche dans l'équipe des étudiants modèles. J'ai fait ce que j'aime pour éviter que la vie parte en déprime. Jusque là, pas grand chose, j'ai taffé quelques fois. Bientôt 23 ans et mon avenir ne sait que faire de moi. Je veux m'évader, ici j'ai pas de contrôle. Cogiter sur ma barque, même si les vagues sont hautes, qu'on me laisse tranquille. Au large, au calme, je compose, histoire de profiter d'être en vie. Je veux m'évader, ici j'ai pas de contrôle. Cogiter sur ma barque, même si les vagues sont hautes, qu'on me laisse tranquille. Au large, au calme, je compose, histoire de profiter d'être en vie. Je devrais sortir dans la rue avec des pancartes, militer contre ma nonchalance et lui filer de grandes claques. C'est réel, comme dire que les poteaux et l'attaquant ne s'aiment pas. J'ai dit à maman, je veux faire de l'art, et puis je garde espoir. Bah oui, paraît que ça peut servir. Jour après jour, je crois que c'est avec ça que j'existe. La musique, ce sera pour le plaisir, sinon quoi d'autre? En 2010, j'ai reçu 100 balles des droits d'auteur. Moi-même, je sais que j'en vivrai pas, et c'est pas le but. Je me dis que la passion meurt quand naissent les calculs. J'encaisse et j'assume mes choix, sachant que le temps qui passe en traître efface une mémoire. Malgré les contraintes, je préfère me faire plaisir. Écrire, j'essaye de taffer des sons bien. Y'a plus le choix, 2012 arrive au pas. L'impression que c'est soit le kiff ou la vie maussade. Je veux m'évader, ici j'ai pas de contrôle. Cogiter sur ma barque, même si les vagues sont hautes, qu'on me laisse tranquille. Au large, au calme, je compose, histoire de profiter d'être en vie. Je veux m'évader, ici j'ai pas de contrôle. Cogiter sur ma barque, même si les vagues sont hautes, qu'on me laisse tranquille. Au large, au calme, je compose, histoire de profiter d'être en vie. La vie belle, top. Ma petite femme et de fidèles potes sans mystère job. Pour que la grisaille devienne peace and love, j'y vois clair même si le flambeau s'est souvent éteint. Puisqu'on veut lâcher au moment où on a tout dans les mains, mon rêve c'est le rap. Je voudrais quelques interviews qu'on s'intéresse, même si on me demande si j'aime les pâtes. J'aurais dû faire des blagues ou dire que j'aime l'or. Je soupire, c'est mort, sincèrement je suis perdu, c'est le désastre. Jamais à l'heure et quand ça compte pour du beurre, je prends la tête de la course. Ils sont plusieurs dans ma tête, je l'avoue. Il faut que je change le monde, la logique est de viser le haut moi. C'est dans l'autre sens que je monte. Ça y est, je pars, conscient que j'ai rien à faire là. Sur les planches, sans me soucier d'où la terre sera. Prendre le large, loin de vos portes closes. On se reverra sur ma barque au bord de l'horizon. Je veux m'évader, ici j'ai pas de contrôle. Cogiter sur ma barque, même si les vagues sont hautes, qu'on me laisse tranquille. Au large, au calme, je compose, histoire de profiter d'être en vie. Je veux m'évader, ici j'ai pas de contrôle. Cogiter sur ma barque, même si les vagues sont hautes, qu'on me laisse tranquille. Au large, au calme, je compose, histoire de profiter d'être en vie.